Honneur au gloire au président Doug Saga de la sagacité. Dédicace spéciale à tous les faiseurs de coupés décalés. Écoutez mon morceau, je suis le mannequin des arrangeurs. Serge Beno, quoi. Oh, connais secreto, le secret du football africain. Allez, on va danser, coupé décalé, Abidjan. Oh. Allez, on va danser, coupé décalé, Abidjan. Sexy.